18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour et bienvenue dans votre émission Convergence. Aujourd'hui, on va se faire un petit set B2B et on va sortir de notre zone de confort parce qu'on va vous proposer de la drum and bass. Et oui, Convergence, ce n'est pas uniquement de la disco, de la house, comme on vous l'a dit, c'est toutes les musiques électroniques. Voilà, donc on vous laisse déguster ce petit set. Donc vous avez une petite heure, on terminera avec l'agenda. Je suis avec Yoz et on vous laisse découvrir toute cette musique. Merci à tous, bon programme. Thank you. Thank you.

Thank you. Bon, et bien écoutez, on va terminer ce set drum and bass avec l'agenda des soirées à faire. On vous remercie, on espère que vous avez apprécié ce set de drum and bass. On s'est fait très plaisir derrière les platines avec Yoz. Donc pour commencer ce soir, vous avez toujours les nuits sonores qui continuent, avec en parallèle le festival off des nuits sonores, où vous avez Cosmic Wave au terminal, où ils invitent James Shinra en live. Vous avez également au Super 5, vous avez Not Serious Big qui viendra, au discret Julien Jewell, et Sumo Smash parti à la discrète. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Vous avez toujours le festival L'Amour Fait Son Cirque au Bellona, hein, vous avez Dusty Kid qui sera là, et puis la plage sonore avec tous les acteurs qui sont toute l'année au Bellona. Vous avez également ce soir au Lupica, pas très loin, la Vulve Aquatique avec la team Salade de Fruits, qui est bien déjantée, très disco et très originale, donc on vous le conseille également. Le lendemain, vous avez la Closing Day, hein, pour clôturer, comme l'indique son nom, au Sucre, avec Daniel Avery, Orla, Avalon Emerson et Dima, connu plus sous le nom de Vitalik, et également Tell of Us. Vous avez Gull, Dub and Dance au Hall du Faubourg. La semaine prochaine, le 5 juin, vous avez le salon Discover qui sera au Transborder, donc l'édition numéro 4. Donc c'est le salon entre les professionnels qui discuteront autour de thématiques sur les musiques actuelles. Donc c'est organisé par Mediatone. Vous pouvez sur le Facebook vous inscrire sur le formulaire et vous retrouvez des conférences, des ateliers, des tables rondes et des speed meetings. Fin de semaine prochaine, vous avez Pulse Addict, hein, spécialisé dans les vidéos, captage de vidéos, qui met en avant les artistes, les collectifs, qui sera discret, hein, toujours, qui invitera La Mez et Refactory. Enfin, on terminera avec le vendredi 7, la team BMK, qui sera au terminal. Et pour sortir de Lyon, le Positive Education, donc le festival, qui sera au Disorder Club, du côté de Saint-Étienne. On vous souhaite une très bonne soirée. Terminez bien les nuits sonores et même dans toute la France, toute votre soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toute l'équipe. Et on vous dit à bientôt. Salut, salut. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.